Alors effectivement, hier, donc, nous avons été appelés par les jeunes du Gasteche d'Hendaye qui nous avaient gentiment informé, qui m'avaient gentiment informé le matin qu'ils allaient occuper l'ancienne caserne des pompiers. Je me suis rendu sur les lieux parce que finalement, je me suis rendu compte qu'ils occupaient un local qui n'était pas vide, puisque c'était le local qui concerne les garages de notre police municipale, dans lesquels nous avons deux ou trois fourgons, nous avons les motos, nous avons le matériel des horodateurs. Et donc, voilà, nous étions en train de discuter sur le fait qu'ils ne pouvaient pas rester là, mais ça s'est passé gentiment, on s'en est expliqué. Et les responsables du Gasteche ont souhaité, avant de quitter les lieux, que l'on concrétise un accord, qu'on formalise par un petit document, une petite page qu'ils ont eux-mêmes rédigée, dans laquelle je m'engageais. Et je me suis donc engagé à trouver une solution d'ici 18 mois. Alors bien sûr, ce n'est pas facile pour moi, pour nous les élus, puisque Hendaye est une petite ville. Quand je dis petite, nous sommes que sur 800 hectares. Quand on se compare à une ville comme Urugne qui est sur 5000 hectares, on connaît les difficultés que nous avons sur le logement social, sur les locaux, logement social où j'ai plus de 600 demandeurs de logement, donc des locaux disponibles aujourd'hui, nous n'en avons pas. Cela étant, on s'est promis de se remettre en recherche. Nous avions déjà rencontré à deux reprises, au moins moi, les dirigeants du Gasteche déjà durant l'année dernière. Et donc c'est une demande que nous avons toujours en cours. Et donc nous avons convenu de nous rencontrer cette semaine. Donc je vais demander à mes adjoints de se mettre déjà en recherche de locaux, de propositions que l'on pourra faire au Gasteche, en espérant que ça leur conviendra et que, voilà, même si c'est en phase transitoire et que nous pourrons trouver quelque chose de plus intéressant après. Mais encore une fois, sur Hendaye, nous avons plus de 200 associations aujourd'hui, 209 je crois, recensées il y a trois jours. Et sur les 209 associations, je crois qu'il y en a une dizaine, une quinzaine peut-être, qui disposent de locaux municipaux privatif, et donc je n'ai pas de solution. Je disais pour plaisanter, c'est une plaisanterie, mais les Églantins, par exemple, ils ont été dotés d'un local personnel maintenant, ils ont plus de 100 ans d'existence. Donc l'histoire que je raconte n'est pas une contre-vérité, c'est quelque chose qui est connu de tous les Hendayais et des équipes municipales précédentes, quelles qu'elles soient. Donc cette réalité étant difficile, nous on s'engage à trouver une solution et je compte sur leur collaboration aussi pour nous indiquer s'il y a des lieux qu'ils verraient, que l'on pourrait utiliser, parce qu'effectivement, des locaux publics, aujourd'hui, nous n'en avons pas. Alors effectivement, donc dès cette semaine, cette semaine, on va les rencontrer, donc je ne sais pas si c'est demain, après-demain, on doit voir ça avec mes adjoints ce soir, avec le bureau municipal de ce soir, donc aujourd'hui lundi, comme tous les lundis, nous avons un bureau municipal, ça va être une question qui va être portée à l'ordre du jour, pour fixer donc un rendez-vous avec eux, et travailler sur des propositions que l'on pourrait faire. De leur côté, s'ils ont des idées à nous soumettre, nous sommes preneurs de ces idées, et nous, de notre côté, mes adjoints sont chargés d'inventorier un petit peu s'il y a des locaux qui à court terme, à moyen terme, pourraient être mises à leur disposition. C'est notre souhait le plus vif et nous allons, j'espère, tous ensemble réussir à doter le Gasteche des locaux dont ils ont besoin.